Chapitre 3e. L'œuvre de Sébastien Bourdon est dispersée un peu partout. Il faut avoir visité en France et à l'étranger les églises, les châteaux et les musées pour connaître ce génie abondant qui peignait comme par magie. Les figures sortaient de sa main comme les roses de la main du printemps. Selon d'Argouville, Bourdon peignait en tout genre, l'histoire, le portrait, le paysage, le grotesque. Dans quelque genre qu'il s'exerça, c'était toujours le genre où il réussissait le mieux. Or, il est impossible au musée d'étudier Sébastien Bourdon sous toutes ses faces. Bourdon, comme tous les vrais créateurs, a changé 3 ou 4 fois de manière, voulant toujours surprendre par de nouvelles beautés ou du moins par des airs de nouveauté. Quand la beauté est une, comme pour Phidias, Zeuxis, Michel-Ange, Raphaël, quand on atteint toute sa splendeur, il faut n'avoir qu'une manière, la grande, la vraie, l'éternelle. Mais quand la beauté est diverse, elle se moque des lois absolues, elle peut varier à l'infini, comme une femme coquette qui change d'aspect et d'attitude selon l'âge, la saison, le jour et l'heure. Celle-là prend tous les semblants de la beauté, mais elle n'est pas belle. C'est la muse de Sébastien Bourdon. C'est la muse de tous ceux qui n'ont pas en main la force souveraine. L'admiration est si capricieuse de sa nature qu'elle abandonne un artiste dès qu'elle a passé devant lui. Il faut qu'il la force sans cesse à se retourner et à revenir vers lui. Il n'arrive à ce triomphe qu'en métamorphosant son génie. Voilà ce qui explique tant de labeurs stériles. L'artiste s'épuise en violentant sa nature. C'est la loi qui frappe tous ces artistes inquiets, qui ont peur de l'obscurité, de l'oubli ensuite. Sébastien Bourdon disait « Il ne faut pas laisser à l'admiration le temps de s'apprivoiser. » C'est en parlant de ce principe qu'il a un peu brouillé sa palette. Avec sa nature impatiente, Sébastien Bourdon ne devait pas fonder d'école. En effet, on ne reconnaît guère, parmi ses élèves, que Guillerot et Loire, Monnier et Van Rose. Ses meilleurs élèves ont été ses 3 filles, l'une peignait au pastel, l'autre à la gouache, la troisième en miniature. Elles ont presque toujours, quand elles ne peignaient pas le portrait, reproduit les œuvres de leur père. Ce qui a manqué à Sébastien Bourdon, c'est le temps. Le temps est un grand maître trop méconnu. Sébastien Bourdon vivait en courant. Il n'a jamais étudié avec la réflexion patiente. Quand il était à Rome, il ne pensait qu'à l'école de Venise. Quand il était à Venise, il se rappelait Raphaël avec toutes les magies du souvenir. Revenu en France, il peignait ça et là, au hasard d'une inspiration qui, selon le poète ancien, s'était nourrie dans les champs de roses bien plus tôt qu'à la gerbe dorée. Tout passionné qu'il fût, il n'est jamais entré à vif dans la passion. Dieu l'avait doué comme le sueur et comme le poussin, mais il n'eut jamais, comme le peintre poète et comme le peintre philosophe, ses heures de recueillement. Il vécut au dehors, s'éparpillant toujours, ne descendant jamais en lui-même pour se retremper aux sources vives. Mais si le temps lui manqua, la femme ne lui manqua pas. Lui aussi eut sa charmeresse, cette aurore du guerrier qui répandit sur l'œuvre de l'artiste un pur rayon d'amour. Ainsi s'achève Sébastien Bourdon par Arsène Houssaye.